L'image qu'on a de soi-même, paramètre les relations humaines qu'on peut avoir, parce qu'au fond on calcule tout, quoi qu'il advienne, pour correspondre à ce schéma idéal, mais souvent si décalé, irréel. Il ne dort que d'un œil de verre, l'orgueil l'ouvre quand il faudrait qu'on ferme notre gueule. Dur de le faire taire, cet adversaire pervers opère et nous faire sous un air fier, l'orgueil. Fils aîné, c'est une explication, je ne sais pas, mais j'ai très vite attendu du monde un traitement privilégié, voulu être bien vu devant sur la scène, en point d'accepter de me retrouver seul, un but de moi-même. J'ai passé des heures à défendre des positions bancales, à insister sans vouloir entendre raison, sans blague, j'avais tort. Et mes interlocuteurs n'ont vu qu'un mec buté, un vrai corrupteur d'idées. J'ai dépassé mes limites, frôlé l'interdit, l'accident pour tous, pouvoir leur prouver que j'étais loin d'être n'importe qui, que j'étais solide, inébranlable. J'ai tenté d'étouffer, de cacher mes faiblesses, paraître sûr de moi, tout fait pour gagner du respect. J'ai haussé la voix, levé la main, tapé du poing, fier comme un con quand je croyais dur comme fer, me faire marcher sur les pieds. Je m'en veux comme j'en veux à ces modèles qui m'ont envoûté. Pourquoi avoir gardé cet air froid, dur, impitoyable, alors qu'en moi l'air mort se débattait comme des balles rebondissantes, laissant au passage des histoire s'éteindre, coupant des ponts de peur, d'avouer mes erreurs, de peur d'avouer, de m'avouer sans m'avouer vainqueur. J'ai masqué mes pleurs, mes meurtrissures, me prétendant immortel, insensible, imperméable. Et le pire, c'est qu'une part de moi a dû finir par y croire. Et même en amour, pour préserver mon armure, mon oreille a fait la sourde lorsqu'il aurait fallu rester, assumer, tout faire. Pour rester galant, c'est vrai, j'ai préféré pester, insulter, enfin tourner les talons par orgueil, putain d'orgueil dont j'aimerais tant faire le deuil. Mais c'est moi, c'est bien moi, je le reconnais. L'enjeu, c'est juste de parvenir à le dompter. Il ne dort que d'un œil de verre, l'orgueil l'ouvre quand il faudrait qu'on ferme notre gueule. Dur de le faire taire, cet adversaire pervers opère et nous faire sous un air fier, l'orgueil. Il surgit à l'improviste et m'accapare, m'apparente à un autiste et me fait participer à des scènes dont je ne prends conscience que par la suite. Et c'est trop tard, et c'est trop tard. L'orgueil surgit à l'improviste et m'accapare, m'apparente à un autiste et me fait participer à des scènes dont je ne prends conscience que par la suite. Et c'est trop tard, et c'est trop tard. Il surgit à l'improviste et m'accapare, m'apparente à un autiste et me fait participer à des scènes dont je ne prends conscience.